24-16, observation. Le plus que parfait. Quand Robert est arrivé chez les Courtois, vendredi soir, Mireille n'était pas là. Mais Mireille avait téléphoné à Madame Courtois le jeudi matin. Ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas vu sa marraine. Présent. Ce soir, vendredi, Robert et Mireille dînent chez les Courtois. Passé. Madame Courtois a invité Mireille le jeudi. Elle avait invité Robert le mercredi. Avait invité est un plus que parfait. C'est un temps composé. Il est composé d'un auxiliaire, avoir ou être, à l'imparfait. Ici, avait. Et du participe passé du verbe. Ici, invité. Présent. Il dîne chez les Courtois le vendredi. Passé composé. Elle a invité Mireille le jeudi. Plus que parfait. Elle avait invité Robert le mercredi. Jeudi est le passé par rapport à vendredi. Mercredi est le passé par rapport à jeudi. Mercredi est donc un double passé par rapport à vendredi. Le plus que parfait indique un double passé.